1970, Conakry, 1h du matin. Le Portugal est des mercenaires à la solde de l'impérialisme international. Voulait la patrie africaine en violant le territoire de la République sœur de Guinée. Pensant surprendre ainsi tout un peuple dans un sommeil profond, ces sinistres assassins ne pouvaient s'imaginer que le vaillant peuple du 28 septembre ne dormait pas. Héroïque peuple de Guinée, gloire à toi! Toi qui as su infliger la plus cinglante des défaites à ses ennemis damnés de l'Afrique. L'Afrique entière témoigne de ton exploit du 22 novembre 1970. Et l'OI a plus que jamais engagé dans la voie de la décolonisation de notre chère patrie, dise non à toute forme de reconquête. Peuple de Guinée, comme tu ne cesses de le dire, l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme trouveront bien un jour leur tombeau chez nous, en terre africaine. Portugal, dai. Nova Merandora, Portugal, dai.